morceau s'appelle Famille Paranoïaque. Ça l'a regardé, mais mon petit voisin. Ouais, il m'a craché sur le nez, d'un regard plein de dédain. Moi j'ai une mère, deux enfants, j'ai une mère à leurs parents. Je leur ai pas dû parler, son frère est déménageur. Ouais, il ne peut rien supporter, il m'a frappé de mon cœur. Moi j'ai une mère de crâleur, moi j'ai une mère de cogneur. Whoa, whoa, whoa.